Monsieur Davin pour ton parole, ça même c'est plus qu'un parabole. Thomas Ovin très charmant, point pas de supposé s'il t'amusant. Quand je dis soi, il était très tard, point de chitant, tape, je quitte. Quand c'est un esprit d'auto, pour te sa vie, dit qu'on Tomaso. A la yon belle digote, mais oui, monsieur, c'est Tomaso. Si on change la valeur, mais tout ça, yon dit, il faut l'accepter. Moi, pas vine faire des os, moi, pas mon Tomaso. Mine pour ton parole, ça même c'est plus qu'un parabole. Thomas Ovin très charmant, point pas de supposé s'il t'amusant. Quand je dis soi, il était très tard, point de chitant, ta vieux guitant. Quand c'est un esprit d'auto, pour me déshabiller comme Tomaso. A la yon belle digote, mais oui, monsieur, c'est Tomaso. Si on change un bel remède, tout ça, yon dit, il faut l'accepter. Mwen pa vin fè vyezo, mwen pa moun Tomaso, mwen pa l'marie Tomaso, mwen moun Tomaso Tomaso, yo pa remezo Tomaso, Tomaso Tomaso, mwen fè vyezo Tomaso, mwen moun Tomaso Tomaso, yo pa remezo Tomaso, mwen Tomaso Tomaso, mwen fè vyezo Tomaso, mwen Tomaso Tomaso Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Tomaso.